sont à fond. Mais elles sont à fond, mais elles sont à fond, mais elles sont à fond, yo. Au début, on était seuls mais on cherchait où va le plein. Ouais, ma zup n'a pas changé, y'a que les murs qu'on a repeints. Jamais lâché depuis gamin, trouvait la force dans la zik. Les gens braillent, avec Hussein Lapey, d'Ibrahimovic. Un système trahi d'office, on fait les choses mon gars. La route est longue mais plus jolie avec une vieille Honda. On sait que la vie ne ment pas, comme le destin lui aussi. Et comme Hamid est jardinier, on a fait pousser de la résine. Oui, le terrain nous a validé, monte le beat, tout est réglé. On change pas, reste les mêmes, ça c'est notre mentalité. On fait les choses, garde l'idée, pour le reste, garde la thune. Yo. Et pour le monde j'offre ma plus bien sûr. Sous la colère une envie de frapper les hommes. Et oui, depuis gamin tu sais bien qu'on fait les choses. Besoin des mots et du sang pour faire vibrer les ondes. Il suffira d'avancer mais jamais plus vite que l'homme. Sous la colère une envie de frapper les hommes. Et oui, depuis gamin tu sais bien qu'on fait les choses. Besoin des mots et du sang pour faire vibrer les ondes. Il suffira d'avancer mais jamais plus vite que l'homme. On fait les choses. Surtout quand la dure réalité te frappe. Je sais, c'est difficile de garder la tête froide. Tous dans de beaux draps, du bon chemin on s'écarte. La quiétude on l'obtiendra un de ces quatre. La vie parfois c'est pauvre, parfois c'est impeccable. Ouais, c'est magnifique. Parfois c'est impeccable, que ce soit avec madame ou avec tous ces schlags. Je m'aperçois que c'est tout un art de garder son calme. Et là d'un coup c'est le drame. Garder son calme, relativiser, ne pas péter son câble. On fait des choses soldats, alors prends garde. De la musique douce comme de l'herbe dans le bocal. Bien sûr, sous la colère une envie de frapper les hommes. Et oui, depuis gamin tu sais bien qu'on fait les choses. Besoin des mots et du sang pour faire vibrer les ondes. Il suffira d'avancer mais jamais plus vite que l'homme. Sous la colère une envie de frapper les hommes. Et oui, depuis gamin tu sais bien qu'on fait les choses. Besoin des mots et du sang pour faire vibrer les ondes. Il suffira d'avancer mais jamais plus vite que l'homme. J'ai préféré ignorer le mauvais et voir le bon côté des choses. Innover avec des mauvais, pas du genre à boycotter les roses. Le stylo plume on le voit plus face au dernier iPhone. Mais bon c'est que du son, je suis pas de ces folles qui dans le merdier s'affolent. Toujours la même équipe, la même recette sur scène. Tu me reçois, ça part de 7, 3, 4, 7 sur 7. T'es la bienvenue dans notre univers. T'es uni frère, c'est bien vu, on est loin du délire unitaire. En haut, es-tu d'accord comme un cutter sa taille. Je vais rejoindre Albator, je monte à bord de la fusée Ariane. Pour nos projets, on fera comme la super Ayam. Ensemble on est en forme avec la force d'un super Saiyan. Sous la colère, une envie de frapper les hommes. Et oui, depuis gamin tu sais bien qu'on fait les choses. Besoin des mots et du sang pour faire vibrer les ondes. Il suffira d'avancer mais jamais plus vite que l'homme. Sous la colère, une envie de frapper les hommes. Et oui, depuis gamin tu sais bien qu'on fait les choses. Besoin des mots et du sang pour faire vibrer les ondes. Il suffira d'avancer mais jamais plus vite que l'homme. On fait les choses. On fait les choses.